ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Voilà ce qui attend celui qui craint son Seigneur. Celui qui craint son Seigneur dans Dunya. Et que cette crainte l'a conduit au délaissement des interdits et des péchés et au acquittement des obligations. Donc il craint son Seigneur en faisant ce qu'il lui a ordonné de faire et en délaissant ce qu'il lui a ordonné de délaisser. Et c'est ça la peur louable. La peur louable, comme dit Cheikh l'Islam Taymiyyah, c'est la peur qui t'empêche de tomber dans l'interdit et qui te pousse à faire l'obligation. Mais une peur qui te rend malade et que tu n'arrives plus à adorer Allah, ça c'est du waswas de shaitan. Et ce n'est pas une peur louée dans l'islam. La peur louée dans l'islam, c'est la peur qu'avaient les sahaba, radiyallahu anhum. Une peur qui les empêche de tomber dans l'interdit. Quand son nafs lui parle de tomber dans un péché, et lui, shaitan lui embellit le péché, il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, et aussitôt il délaisse le péché. Et quand son nafs lui dit de rester dans son lit, la mosquée est loin, et que sortir pour la mosquée c'est difficile, et des choses comme ça, et shaitan lui embellit cela également, il se rappelle la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va vite vers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'éloigne de ses interdits